Demi qu'on a de l'éphage à l'œil et à l'ombre car ça nous souvient. Bah alors que le film, c'est ça qui était obligatoire. Ouais. Islamique. Institut, t'es français? Oui, je suis français, oui. D'origine, oui. Bon, mais écoutez, il est 22 h 30. Apparemment, je vous rappelle que le cours, c'était le jugement de ceux qui adorent la prière. Donc là, on est parti dans l'esclavage et un petit peu dans autre chose. Donc apparemment, il n'y a plus de questions sur le sujet sur lequel on était. On en reparlera de l'esclavage dans le fiqh, d'accord? Quand on parlera du mariage, etc., et notamment dans le djihad, et dans d'autres chapitres du fiqh, l'esclave vient. Vous êtes de quelle branche? Alors, je suis de quelle branche? Je ne viens pas d'un arbre, hein, je suis désolé, hein. Donc je ne suis pas une branche. De quelle branche? C'est-à-dire quelle branche? Par rapport aux écoles, quatre écoles, ou par rapport à quoi? Ah, alors, pour faire du tajwid, pas le temps que c'est un petit peu difficile, le mieux c'est de faire de vive voix, hein, pour faire du tajwid, à Tilawa. T'es salafi? Alors, est-ce que je suis salafi? D'accord. Ah. Bon, on va rester encore un petit peu, je sens si. Alors, le mot salafi donc vient du mot salaf. Les salafs, donc, qui sont les trois premières générations, et notamment, avant tout, les sahaba, et il convient à tout musulman de comprendre le Coran et la Sunna par rapport aux salafs, et notamment par rapport aux sahaba. D'ailleurs, j'en profite par rapport à ceux qui délaissent la prière. Comme je l'ai dit, il y a ijma, il y a une unanimité des sahaba, comme quoi le seul qui ne fait pas la prière, il est mécréant. Donc, celui-là qui aime bien les salafs, normalement, il doit prendre cet avis-là. Par contre, maintenant, après tout ce que depuis quelque temps, le mot salafi est utilisé par pas mal de groupes et chacun dit non, c'est moi qui ai salafi, pas toi. Donc, c'est donc à la limite, il faudra dire est-ce que tu es salafi de tel groupe ou de tel groupe. Mais j'ai voilà, ça rentre dans un débat, j'ai pas trop envie maintenant. Bien que. Alors, demain, une question à Mohamed. Demain, Inch'Allah, on va faire comme j'ai dit, bi'iznillah. Il va y avoir 1 heure de cours ou un peu plus, 1 heure et demie. Et il y aura 1 demi-heure de cours de fiqh. Et une fois que j'ai fini, donc je laisserai le micro et l'écriture s'il y a des questions. Et après, je fais 1 demi-heure de tawhid, de raqida, Inch'Allah. Et on va. Alors, est-ce que tu t'écoutes Cheikh Rabir? Non, j'écoute pas Cheikh Rabir, non. Non, lui, je ne l'écoute pas trop. Non. Pas du tout, même. Comment dirais-je? Donc, on fera ça à partir de demain. Donc je vous remercie tous, Barakallahu Fikoum, d'avoir suivi ce cours. Et je vous remercie aussi, Barakallahu Fikoum, de vos interventions et d'être resté, comment dirais-je, poli et avoir un bon comportement. Barakallahu Fikoum, et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour deux cours, donc de fiqh et de raqida. Voilà. Je regarde, j'attends un petit peu s'il y a quelque chose d'autre. Vraiment, c'est bon. Wa alayhi salam wa barakatuh, ya akhil karim. Donc voilà, donc c'est bon, donc je vais fermer l'institut, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.